Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les grands titres de ce journal, la dernière édition de ce 28 décembre 2016. Deux projets de loi ont été adoptés ce mercredi. Les députés ont adopté un nouveau projet de loi régissant les associations sans but lucratif. Parmi les innovations, la latitude au ministre de l'Intérieur de dissoudre une association sans attendre une décision de justice comme c'était avant. Tandis que les sénateurs burundais ont voté à l'unanimité ce mercredi le projet de loi régissant le corps de défense nationale. Entre autres préoccupations soulevées par les membres de la Chambre basse du Parlement, le recrutement des militaires réservistes. Et le ministère des Transports demande à la mairie de Bujumbura de suspendre l'octroi des plaques pour les taxis-vélos. Et un élève de l'école technique de gestion de Muyinga écope de 15 ans de prison pour tentative d'assassinat de la sœur directrice d'internat à cette école. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. 15 ans de prison, c'est la peine prononcée ce mercredi par les juges du tribunal de grande instance de Muyinga contre un élève de l'école technique de gestion de Muyinga. Cet élève est coupable de tentative d'assassinat de la sœur directrice d'internat à cette école. Les détails avec notre correspondant Dieudonné Zeyman. Azali Niyubawe est récemment renvoyé de l'école technique de gestion de Muyinga où il fréquentait la troisième année et coupable de tentative d'assassinat de la sœur directrice d'internat à cette école. Cette directrice a eu un coup de roue usé sur la joue. C'était dans la nuit du 14 décembre. L'élève incriminé a été attrapé sur le lieu du crime en possession de sa roue. Lors de l'audience publique de ce mercredi, il a rejeté en bloc toutes les accusations. La victime a glissé par terre et s'est cogné contre le sol, argument du coupable. Devant les juges, il a même rejeté une lettre d'aveu et pour un probable pardon, document signé par son père. Manifestation d'une conscience cautérisée, d'après des témoins. Les juges ont décidé qu'il purgera 15 ans de prison. 320 000 francs utilisés par la victime pour se faire soigner devront aussi être payés par le coupable, faute de quoi il sera soumis à l'exercice de la contrainte par corps d'une année, 7 mois et 6 jours. Dieudonné Nzeimana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné, on parle toujours de la justice pour vous dire que le ministère burundais de la justice promet des sanctions contre des magistrats qui exigent des frais de déplacement pour les visites de terrain ou pour la mise en exécution des jugements rendus. Le directeur général Venant Hakimazi explique que le dit ministère accorde lui-même ces frais qui sont par ailleurs prévus par la loi. Venant Hakimazi précise que tout magistrat qui exige de tels frais ou aux justiciables sera poursuivi pour corruption. Suivez plutôt Venant Hakimazi, il est directeur général au ministère burundais de la justice. À propos des frais qui sont demandés aux justiciables pour exécuter leur jugement, c'est un problème qu'on entend spécialement au niveau des tribunaux de résidence. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire qu'il est strictement interdit à tout magistrat, qui qu'il soit, de demander des frais de déplacement aux justiciables pour exécution des jugements. Il est connu de tous qu'au niveau du ministère de la Justice, même si les moyens sont limités, il est accordé des frais de déplacement aux magistrats qui vont faire des exécutions des jugements. Au niveau des tribunaux de résidence, il leur a été accordé une autonomie financière parce que les frais de justice rentrent désormais dans les caisses des tribunaux de résidence qui les utilisent au fin d'avoir du matériel de fonctionnement, mais aussi au fin d'avoir des frais de déplacement pour aller exécuter les jugements qu'ils ont rendus. Donc, il est strictement interdit aux magistrats de demander des frais de déplacement aux justiciables. Celui qui le ferait, il sera directement poursuivi pour cause de corruption. C'était le directeur général au ministère de la Justice. Et le directeur général des Transports demande à la mairie de Bujumbura de suspendre la vente des plaques des taxis-vélos parce qu'elle est faite en violation de la loi. Jean-Claude Mawenimana indique que le ministère des Transports est en train de préparer une réunion avec les responsables des associations œuvrant dans le secteur des transports pour mettre fin au désordre qui le caractérise. On l'écoute, il est au micro d'Aubin Niyonkuru. Je dois dire que le ministère, et à travers la Direction générale des transports, est déjà au courant de la situation. C'est pourquoi d'ailleurs pas mal d'actions ont été entreprises, parce que moi personnellement j'ai parlé avec le conseil principal du maire de la ville. lui informa que quand même qu'il devra un peu s'asseoir à la mesure pour que on puisse faire une large consultation pour pouvoir trouver quand même et une issue favorable à la question. Je dois informer à l'opinion que tout ce qui est transport, ça relève normalement du ministère des Transports en charge. Mais je dois également dire que le secteur des transports, comme tous les autres secteurs, a connu pas mal de problèmes par rapport à la situation sociopolitique qu'a traversé notre pays. C'est alors ces problèmes qu'on est en train de trouver des solutions pour éviter que le désordre s'installe dans le pays. Vous savez, il y a pas mal d'associations dites associations sans but lucratif qui œuvrent dans ce secteur des transports. Il y a aussi des rabatteurs qui, pour l'instant, sont maîtres du terrain. Et c'est pourquoi on est en train de prendre des mesures pour endiguer à tous ces problèmes. Pour ce qui est des plaques, des vélos, oui, c'est vrai que la loi est claire là-dessus. Je dois dire aussi que le ministère, je dois dire à l'opinion qu'ils doivent attendre qu'il y ait une réglementation adéquate et afférente. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons un décret qui a été promulgué par son Excellence le Président de la République. Il doit y avoir aussi des textes d'application. Quels textes d'application doivent être élaborés par les ministères techniques? Je dois aussi dire qu'il y a même eu une retraite à propos de cela et laquelle commission a donné rapport à l'autorité, au deuxième vice-président. Nous attendons quand même qu'il y ait des mesures dans l'ensemble, parce qu'il n'y a que cela, parce que c'est tout un tas de choses, c'est tout un tas d'actions qui doivent être faites pour quand même endiguer à ce désordre. Jean-Claude Mawenimana, directeur général des transports. Et la mairie de Bujumbura fait savoir qu'il y a des fonds prévus pour le débouchement des regards qui ont été bouchés par les eaux usées provenant des ménages. Le directeur technique de la mairie de Bujumbura, Jean-Claude Naïmereye, réagit aux plaintes des habitants des quartiers Ngagarabgiza et Rohero parce que les regards qui amènent les eaux usées ont débordé et ces eaux se déversent dans les rues devant leur maison. Suivez Jean-Claude Naïmereye. Oui, nous sommes au courant puisque ça se passe ici dans la ville de Bujumbura. Nous savons dans certains endroits que ce cas existe, mais il y a des cas aussi où nous savons comme à Bouisa, dans Mutangasi, comme aussi à Ngagara. Nous sommes prêts à agir chaque fois que d'autres cas arrivent. La mairie est en train de voir ensemble avec les citoyens comment trouver une solution durable à ce problème. Comme à Ngagara, il y a deux réseaux. L'ancien réseau et le nouveau réseau qui a été exécuté par le BOTIP. Nous demandons que la population, ou bien les gens qui possèdent des parcelles là-bas à Ngagara, qui ne se sont pas encore raccordés au nouveau réseau. Et encore, il y a d'autres personnes qui jettent dans ces égouts publics des immondices. Il y a de l'eau pluviale et encore de l'eau vanne qui se jettent dans ces égouts. Ces égouts n'ont pas la capacité d'évacuer tous les eaux pluviales qui proviennent dans toutes les parcelles. D'abord, ce que je peux préciser, nous allons faire la sensibilisation de la population sur la gestion de ces égouts publics. Concernant le débouchement des égouts, je vous dirais que ça doit être un travail de routine, puisque nous savons que puisque c'est un vieux réseau, et toujours il y a des problèmes qui surgissent. Nous sommes prêts à agir. Il y a des fonds qui sont déjà prévu pour cela. Cela est prévu dans le budget de la mairie de Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Un couple de la colline Zone Mouane en commune Kabezi de la province de Bujumbura a été battu, ligoté par des évangélistes ambulants accusés de sorcellerie dans la nuit de ce mercredi. Selon les sources sur place, parmi les trois hommes visés dans cette affaire est sous les verrous. L'administrateur communal de Kabezi explique qu'il est détenu pour d'autres mobiles autres que la sorcellerie et réaffirme que de telles prières ne sont pas autorisées par la loi. Placide Niamongere s'est rendu à Mouane. Voici son reportage. Ce couple est donc de Katouane Tarsis et d'Afroz Nzeyimana. Selon les informations que nous avons recueillies, il était aux environs de 20h de ce mardi quand les évangélistes ambulants d'une maison de prière les ont ligotés avant de les tabasser en leur demandant de montrer où se trouvent les poisons à leur possession, une accusation que le couple rejetait. Ces informations indiquent également que dans l'avant-midi de ce mercredi, ces évangélistes auraient fouillé la maison de ces victimes mais qui n'ont rien trouvé. De Katouane et deux autres hommes avait alerté il y a environ 3 semaines qu'il y a un groupe de prière qui les taxe de sorcellerie. Malheureusement, un parmi ces 3 du nord de Bukero est sous les verrous. Renir Dandaï Chimier, l'administrateur communal de Kabezi, nous a dit qu'il est poursuivi pour rébellion. Lorsqu'il priait, nous l'avons arrêté car il était accusé non pas pour le motif de sorcellerie, mais plutôt qu'il a constitué une rébellion en présentant une machette et un gourdin pour se défendre alors qu'il pouvait aviser l'administration locale ou les forces de l'ordre. À propos du couple qui a été tabassé, René Dandaï Chimier dit qu'il s'agit de rumeurs, mais des rumeurs qu'il faut exploiter. Ce sont des rumeurs qui sont souvent propagées, mais il peut avérer qu'on les exploite. J'ai déjà dit aux chefs de zone, aux chefs de la colline et aux agents de sécurité de se rendre sur les lieux et nous donner la vraie version sans tenir compte de ce que dit celui-ci ou celui-là. Nous sommes en train de tout faire pour décourager ce comportement. J'ai déjà rédigé un communiqué que j'ai même envoyé à tous les chefs de colline qu'il est strictement interdit de tenir des prières dans les lieux inconnus autres qu'à l'église. Nous avons voulu nous rendre au domicile des victimes à Mouboné, comme était mentionné sur nos documents présentés, ce que l'administrateur René Dandaï Chimier ne nous a pas permis, arguant qu'elle va nous joindre par téléphone au moment opportun. Merci Placide Niongongere. 4 fidèles de l'église Emmanuel de Moussigny en commune Manda de la province Bobanza ont été arrêtés lors des échauffourées qui ont surgi ce mardi en conflit lié au leadership et à la gestion des biens de cette église oppose depuis des années deux parties et le procès se trouve déjà à la cour de cassation de Bujumbura. Un homme de plus d'une vingtaine d'années a été tué à coups de machette dans la matinée de ce mardi sur la colline zone Nunda de la commune Gitaramuka. C'est en province Karusi. Les responsables de la police indiquent que 2 hommes sont déjà arrêtés et que ces derniers n'ont ni pas le forfait. Les détails avec Blaise Pascal Kararumi. Cet homme a été tué à plusieurs coups de machette dans la matinée de ce mardi à la colline et zone Nunda de la commune Gitaramuka, province Karusi. Les responsables de la police de Karusi indique que l'homme de plus d'une vingtaine d'années a été tué par des veilleurs qu'il accusait de vol dans un champ de pommes de terre. Il faut savoir que 2 hommes ont été directement arrêtés ce même mardi et signale que ces derniers n'ont ni pas l'avoir tué. Ces 2 hommes ont ainsi rejoint un autre homme de 25 ans qui venait aussi de tuer une vieille mère de 90 ans, il n'y a pas un mois, dans cette même commune de Gitaramuka, à la colline Ngayane, et cette mère était accusée de sorcellerie. La plupart des gens se demandent de la recrudescence de la criminalité par l'esprit de se faire justice parmi la population de Karusi, où plus d'une trentaine de personnes ont été tuées par la population. Les mobiles avancés étant entre autres la sorcellerie, le vol, et la plupart de ces mobiles étant des conflits fonciers, comme l'expliquent les responsables de la police et ceux de la lutte contre la violence et les violences armées en particulier au niveau de la province. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumié pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le nouveau projet régissant l'armée nationale va régir aussi plus de 33 000 retraités et démobilisés. L'honorable Niongawa Anissé s'inquiète de la gestion de cet effectif de prochains réservistes qui dépasse le nombre de militaires en fonction. Le deuxième vice-président du Sénat fait remarquer que les démobilisés et retraités sont impliqués dans des actions de déstabilisation du pays. C'était ce mercredi lors de l'étude de ce projet de loi au Sénat. Joseph Sabiyabandi. Comme à l'Assemblée nationale, l'enrôlement des démobilisés et retraités dans l'armée pour servir de réservistes n'a pas manqué de susciter des inquiétudes de la part des sénateurs. Le deuxième vice-président du Sénat s'interroge de leur gestion, surtout que certains d'entre eux sont cités dans des actions qui déstabilisent le pays. À l'intérieur du pays, les retraités et les démobilisés sont désœuvrés. Dans les moments d'insurrection, ils sont les premiers à être enrôlés par les politiciens dans des actions de déstabilisation du pays. Quand il y a formation des groupes rebelles, les éléments à recruter viennent des démobilisés et retraités. Et même dans les collines à l'intérieur du pays, ils font partie des groupes qui volent et qui tuent pour une raison ou une autre. C'est une évidence qu'ils sont impliqués dans des mauvaises actions qui se commettent dans le pays. Ils ont besoin d'un encadrement soutenu. À ces préoccupations, le ministre de la Défense, Emmanuel Nharumvukiye, indique que c'est pour y répondre qu'est vient ce projet de loi. Monsieur l'honorable du bureau, vos inquiétudes trouveront solution dans les prochains jours avec le cadre légal et approprié de leur suivi. Les uns et les autres, nous devrons nous y référer pour empêcher les ennemis de la nation à manipuler les retraités qui ne sont plus au service, non pas par manque d'envie de servir leur patrie, mais par manque de force à cause du poids de leur âge. Le même projet de loi précise que l'État fera recours à ses réservistes seulement en temps de guerre. Merci, Joseph Sabiawandi. Allusion en fait à Evariste Nzikobanyanga qui a été pour nous à l'Assemblée nationale. C'est où la Chambre basse du Parlement a adopté ce mercredi à l'unanimité le projet de loi portant cadre organique des associations sans but lucratif. Et parmi les innovations importantes, l'article 88 de ce projet de loi qui donne le pouvoir au ministre de l'Intérieur de suspendre toute association ne respectant pas cette loi sans passer par la justice, comme c'était le cas auparavant, donc dans l'ancienne loi. Évariste Nzikobanyanga a assisté au débat à l'Assemblée nationale. Voici son compte-rendu. Cette nouvelle loi portant cadre organique des associations sans but lucratif donne les prérogatives au ministre de l'Intérieur de rayer de la liste toute association qui ne va pas respecter cette nouvelle loi adoptée ce mercredi à l'hémicycle de Tshigobé. Le débat a eu lieu sur le retrait des devises qui aujourd'hui est opéré par certains dans les pays voisins. Le député Karegwamo Mamo a demandé si ces associations sans but lucratif ne pourront pas procéder ainsi au moment où la nouvelle loi les intime et l'ordre d'ouvrir des comptes de devises dans la banque centrale. Nous entendons souvent une mauvaise habitude de certaines personnes qui transfèrent leurs devises à travers les banques dans les pays limitrophes, quitte à les récupérer via les banques. Je voudrais demander si cela pourrait se faire au niveau de ces associations sans but lucratif, non pas comme le font ceux qui les transfèrent par les banques, mais les transitent à l'étranger. Qu'est-ce que vous prévoyez pour éradiquer cette mauvaise habitude à travers ces associations? Le premier vice-président de l'Assemblée nationale donne un avis contraire. Le député Agathon Rwasa demande plutôt la levée de cet équivoque et laisser toute personne de retirer ses devises à partir de la BRB pour éviter ces tricheries. Il n'y a pas de moyen de voir comment amender les lois qui pourront inciter les gens à garder de l'espoir que si une fois leur argent transite par la BRB, ils ne pourront pas avoir des problèmes. Je pense que l'on peut perdre car même s'ils vont jusqu'à retirer leur argent à l'étranger. Le ministre de l'Intérieur ne désarmait pas. Pascal Ivanandaguié intime par contre l'ordre à la police des airs et des frontières de contrôler minutieusement les entrées et les sorties pour traquer ceux qui font entrer frauduleusement des devises dans le pays. La première solution, c'est la mise en place de la loi. Et celui qui ne va pas respecter cette loi sera traité comme un fraudeur. Deuxièmement, l'on demande à la police des airs et des frontières de vérifier minutieusement les entrées et les sorties. Nous ne serions pas les premiers à le faire. Ça se fait sous d'autres cieux. L'on précise une somme avec laquelle quelqu'un peut rentrer avec dans le pays. Ce projet de loi a été adopté en unanimité par 105 députés présents, dont 6 procurations. Merci Évariste. Démolition ce mardi de 3 maisons au quartier sans eau de la ville de Ruyigui par le tribunal de grande instance de cette province. Des conflits fonciers entre ceux qui ont acheté des parcelles et... auprès de 3 héritiers utérans sont à l'origine de cette démolition. Le tribunal de grande instance de Ruyigui explique qu'il a procédé ainsi pour que la partie qui a eu raison dans cette affaire puisse recouvrer ses droits. L'avocat de la partie lésée dit qu'il avait saisi l'inspection générale de la justice puisque cette action du tribunal de grande instance de Ruyigui a été entachée d'irrégularité. Jean-Claude Chemirimana. Trois maisons au mur en briques adobe couvertes de tôle érigées à l'endroit beaucoup plus connu sous le nom Nyabinaga, au quartier Sanzu de la ville de Ruigi, sont celles qui ont été démolies ce mardi par le tribunal de grande instance de Ruigi. Jean-Claude Nzeimana, qui avait vendu les parcelles sur lesquelles étaient bâties ces maisons, dit que le tribunal s'est précipité à démolir ces maisons du moment qu'il était en train de solliciter l'annulation de la décision d'exécution du dit tribunal dans le procès d'un conflit foncier entre trois héritiers. C'est Uterin, Nguerera, Patricie Miburo et Tarsis Vizimana. Jean-Claude Nzeimana explique qu'il avait acheté cette propriété foncière en Nguerera après avoir constaté qu'il n'y avait pas de grogne sur l'exécution du jugement rendu par le tribunal de résidence de Ruigi dans cette affaire. Mais selon lui, il a été surpris par l'action de vérification de l'exécution du jugement faite au début de cette année par le tribunal de grande instance de Ruigi qui a donné sa propriété à Patricie Miburo. Janine Ingabire, présidente du tribunal de grande instance de Ruigi, fait savoir que Jean-Claude Nzeimana avait eu du temps suffisant, soit pour se convenir avec la partie bénéficiaire de la propriété, soit pour démolir lui-même ses maisons, mais qu'il n'a rien fait. Selon elle, le tribunal a ainsi procédé pour que la partie gagnante puisse recouvrer ses droits. Jean-Claude Mitarusuma, avocat de Jean-Claude Nzeimana, dit qu'il est étonné par cette décision du tribunal. Il fait savoir qu'il avait déjà porté plainte à l'inspection générale de la justice au sujet des irrégularités qui ont caractérisé l'action du tribunal de grande instance de Ruigi dans cette affaire. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude et Angosi, c'est la grogne des clients de la régie des eaux utilisant les nouveaux compteurs Cash Power. Ces derniers disent avoir des difficultés de s'approvisionner en unité, précisant qu'ils doivent se rendre à Bujumbura pour les acheter. Le responsable de la régie des eaux au nord du pays tranquillise et il dit que ce problème sera réglé au mois de janvier prochain. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité africaine, le président guinéen Alpha Condé déclare être opposé à une intervention militaire de la CDAO en Gambie pour obliger Yahya Jammeh à céder le pouvoir. Une note discordante au sein de la CDAO car l'organisation régionale préconise un recours à la force. Le président Condé estime qu'il faut rassurer le président sortant gambien pour le pousser à accepter de partir. Un avis qui contraste avec celui du président ivoirien Alassane Ouattara qui a affirmé que le président élu de la Gambie, Adama Barrow, sera investi le 19 janvier prochain en dépit du revirement Yahya Jammeh. Ouattara a déclaré mi-décembre que toutes les mesures nécessaires ont été développées et qu'il ne pouvait les rendre publiques pour pouvoir faire en sorte que le président élu prenne ses fonctions le 19 janvier. Et le gouvernement nigérian a débarrassé la fonction publique de 50 000 travailleurs fantômes, ce qui lui a permis d'économiser près de 630 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre la corruption. 13 milliards de naira ont été économisés sur les salaires payés de février à décembre 2016, tandis que l'audit des retraites a permis de récupérer 1,1 milliard de naira par mois sur la même période, selon le porte-parole de la présidence. 11 des principaux suspects avaient été traduits devant la Commission pour les crimes économiques et financiers. Le président nigérian Muhammadu Buhari, élu en 2015, a fait de la lutte contre la corruption endémique au Nigeria son principal cheval de bataille, accusant l'administration de l'ex-président Goodluck Jonathan d'avoir pillé les caisses de l'État. La semaine dernière, le gouvernement avait promis de récompenser financièrement et de protéger ceux qui dénonceraient des détournements de fonds publics, alors que l'économie nigériane traverse une période difficile. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Albert Ndouaille pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco, Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.